Chapitre 4e. À 5h du matin, le train de Bretagne déposa sous la nef vitrée de la gare Montparnasse Anne le Boselec, encore tout ahuri par le sifflement et le halètement de la bouillante chaudière qu'il avait emportée loin de ses grèves bretonnes avec une rapidité quasi diabolique. Le tumulte des voyageurs s'interpellant et se bousculant à la sortie, le pêle-mêle des colis entassés dans la salle des bagages, la brusquerie des employés de l'octroi, accrurent son effarement. Quand elle arriva dans la cour, le jour commençait à blanchir. Elle réfléchit qu'il était peut-être un peu matin pour débarquer chez les Villeneuve. Elle ne les avait pas prévenus et ils devaient se lever tard, selon l'habitude des Parisiens. Elle rentra dans un couloir et s'assit entre son carton à chapeau et la lourde valise de cuir qui avait appartenu au bonhomme Ploudaniel. Là, elle attendit 2 bonnes heures, à demi engourdie par sa nuit blanche, mais luttant néanmoins pour se tenir éveillée, par peur des voleurs dont elle croyait Paris complètement infesté. Quand 7h30 sonnèrent à l'horloge de la gare, elle jugea que le moment était venu où elle pourrait se présenter décemment chez ses amis, appela un cocher, veilla méticuleusement au chargement de ses bagages et donna l'adresse des Villeneuve. Il demeurait avenue de Villiers, et la voiture promena à travers Paris Anne et Bobby, qui n'avaient jamais visité d'autres villes que Douarnenez et Quimper, et qui allaient d'émerveillement en émerveillement à la vue des Tuileries en fleurs, de la Seine ensoleillée où se croisaient les bateaux mous chargés de passagers, des Champs-Élysées où des cavaliers matineux et amazones passaient le long des marronniers épanouis. Ce réveil de la grande capitale dans la gaieté et l'éclat d'une radieuse matinée de mai ragaillardit la pauvre bretonne dépaysée. Elle songea que c'était dans ce cadre grandiose, dans cette atmosphère de luxe et de bien-être, que se mouvait et respirait Tanguy de Ploudaniel. Elle se demandait s'il ne figurait point d'aventure parmi ses fringants cavaliers qui trottaient vers l'Arc de Triomphe en élégante tenue du matin, et sa pensée se reportait aux chevauchées qu'elle avait faites jadis sur la lande en compagnie de son cousin. Ce fut au milieu de ses songeries qu'elle arriva devant le petit hôtel habité par les Villeneuve. Nouveau sujet d'étonnement. Elle avait toujours cru que les peintres étaient de pauvres diables logés modestement sous les toits. La vue de cet hôtel séparé du trottoir par une grille en fer et un joli jardinet la stupéfia. Elle eut peur de s'être trompée d'adresse et ne fut rassurée que lorsque la femme de chambre, lui ayant affirmé que c'était bien là le domicile de M. de Villeneuve, l'introduisit dans l'atelier où le peintre était déjà au travail. « Voilà une bonne surprise » s'écria-t-il gaiement. En même temps, il appelait sa femme qui accourait en riant, les mains tendues, et souhaitait la bienvenue à la voyageuse avec un accent cordial qui sonnait franc comme l'or. « Oui, c'est moi, » dit Anne. « Vous voyez que je tiens ma promesse. J'ai fait une excellente affaire en vendant mes pains aux gens de Pontcroix et je me suis décidé à venir dépenser mes bénéfices à Paris. Il y a assez d'années que je vis comme un hibou dans mes vieux arbres de Kerlaz et je veux me donner du bon temps pendant que je suis encore en santé. Je veux connaître Paris à fond, aller au théâtre et dîner au restaurant, courir les musées, visiter les églises, et j'ai compté sur vous pour me piloter. Mais avant tout, il faut que j'aille voir mon cousin de Ploudaniel. Je me suis juré que ma première visite serait pour lui. Croyez-vous que j'ai chance de le trouver ce matin ? Vous voulez y aller comme ça, au débeauté ? Demanda à Madame Villeneuve. Pourquoi pas ? J'ai dormi en wagon, je me sens défatiguée et suis toute prête à sortir. Sans même changer de robe ? Continua la femme du peintre en jetant un rapide coup d'œil sur la toilette de la sauvage héritière de Kerlaz. Avec son parapluie sous le bras, son chapeau rond de paille foncée, sa pèlerine noire, sa robe fripée dont la jupe lui collait aux hanches et laissait voir des pieds chaussés de gros souliers lacés, Anne le Boselec ressemblait, vu de dos, à un curé de campagne qui revient de sa conférence. Madame Villeneuve lui fit comprendre que sa toilette était passablement démodée et qu'elle ne pouvait songer à se présenter chez son cousin de Ploudaniel dans une tenue aussi rustique. Elle lui démontra la nécessité d'acheter au préalable un chapeau et une robe au goût du jour. « Mais cela prendra du temps, » objecta impatiemment Madame le Boselec. « Non, nous trouverons robe et chapeau tout confectionnés au magasin du Louvre, et en un clin d'œil, on les accommodera à votre air et à votre taille. »« Sois donc, » dit Anne en se résignant, « allons chez vos marchands du Louvre, mais arrangeons-nous pour que demain, sans faute, je puisse faire ma visite à Monsieur de Ploudaniel. » L'après-midi se passa en course dans les magasins. Au soir, Madame le Boselec, avait déjà vu disparaître deux des billets de banque qu'elle portait cousus dans un petit sachet sous son corsage. Mais elle était équipée à neuf des pieds à la tête. Elle se sentait si vannée de fatigue qu'aussitôt après le dîner, elle monta dans sa chambre et se coucha. Le lendemain, dès l'aube, elle était debout et procédait minutieusement à sa toilette. Quand elle eut endossé sa robe neuve de mérinos, serré ses pieds dans des bottines d'étoffe, coiffé un petit chapeau où ses épais cheveux rebelles étaient mal à l'aise et qui lui donnaient la migraine, elle se regarda dans la glace et eut peine à se reconnaître. Cette longue personne allée, voilée de crêpes et drapée dans une robe à retroussis, était-ce bien la sauvage et alerte âne de Ploudaniel, celle que les paysans avaient jadis surnommée la rose de Kerlaz? Il lui semblait qu'elle aurait eu plus de chance de rappeler à son cousin le temps passé en se montrant à lui dans son costume campagnard de la veille. Tandis qu'elle était plongée dans cette contemplation mélancolique, Madame Villeneuve survint, donna quelques coups de pouce aux plis de la jupe, noua plus élégamment les brides du chapeau, puis déclara que maintenant Anne était au point et tout à fait en mesure de se présenter dignement chez son cousin le député. On la lesta d'une tasse de chocolat, on lui donna l'adresse de M. de Ploudaniel. Une voiture l'attendait à la porte et elle partit, le cœur palpitant. Tanguy demeurait dans le faubourg Saint-Germain et la voiture traversa lentement le parc Monceau. Le jardin était dans le plein de sa gloire printanière, tout fleuri de cytises, d'azalées et d'aubépines roses qui sentaient bon. Ses branches épanouies, se balançant au vent du matin, semblaient dire à Anne « Réjouis-toi, le Tanguy de ta première jeunesse !» Le héros de ton unique roman d'amour, qui durant tant d'années a occupé les rêves de tes nuits et les pensées de tes veilles, tu vas le revoir. » Et tandis que le fiacre roulait, Anne se demandait comment elle retrouverait son cousin et quel accueil il lui ferait. Certainement, il lui reprochait tout d'abord son singulier mariage, mais elle lui expliquerait les raisons qui l'avaient forcé à changer de condition, et il les comprendrait. Puis, elle évoquerait les doux souvenirs d'autrefois. Elle méditait d'avance une allusion discrète à leur dernière promenade dans le jardin du manoir. Elle lui dirait « Les œillets de Kerlaz fleurissent toujours et ils ne vous ont point oublié. » Elle se répétait pour la 20e fois cette courte phrase où elle devait mettre tout son cœur quand le cocher arrêta sa bête, rue de l'Université, devant le porche d'un grand hôtel dont on apercevait à travers un passage voûté le perron surmonté d'une marquise au fond d'une cour sablée. C'était là et M. de Ploudaniel était chez lui. Le cœur de la Bretonne se remit à battre violemment, tandis qu'elle montait les degrés de marbre d'un escalier recouvert d'un moelleux tapis rouge. Au premier, elle s'assit sur une banquette pour respirer avant de sonner. Elle se sentait intimidée et prête à défaillir. Elle pressa enfin nerveusement le bouton qui fit entendre un long et grêle carillon électrique. La porte s'ouvrit et un solennel valet de chambre introduisit la visiteuse dans un petit salon tendu de vieilles tapisseries et meublé de divans. « Monsieur est occupé en ce moment, mais si madame veut écrire son nom ici, je préviendrai monsieur. » En même temps, le majestueux valet montrait une table sur laquelle se trouvait une plume, un écritoire et de petits carrés de papier blanc. Anne s'assit, puis, après avoir réfléchi que son nom de Le Bolzec sonnerait étrangement aux oreilles de son cousin, elle écrivit d'une main tremblante « Anne de Ploudaniel » sur le papier qu'elle tendit au domestique. Il le prit d'un air impassible et s'éloigna lentement. Elle attendit pendant 20 mortelles minutes, qui lui parurent autant d'heures. Puis le valet de chambre, apparaissant de nouveau, lui fit signe de le suivre à travers une enfilade de pièces à l'extrémité desquelles il ouvrit une double porte. Elle vit un vaste cabinet de travail, orné de corps de bibliothèque en bois noir et décoré de tableaux et de terre cuite se détachant sur le fond sombre d'une tenture de drap brun. Au fond, à contre-jour, dans une table chargée de livres et de brochures, Tanguy se tenait assis, la tête penchée, et disparaissant presque derrière les paperasses entassées. « Madame Anne de Ploudaniel !» annonça le valet de chambre. Tanguy redressa la tête et se leva paresseusement. Il avait pris de l'embonpoint. Son teint, autrefois rosé, était plombé et comme brouillé. Ses cheveux blonds, devenus clairsemés, ne frisaient plus que sur les tempes, et ses yeux bleus paraissaient fatigués. Sous ses moustaches coupées en brosse, sa bouche avait une expression sèche et dure. Tandis qu'Anne constatait les changements opérés sur son cousin par cette longue suite de 20 années, Tanguy, d'un air médiocrement charmé, examinait cette femme en deuil, au teint hâlé, aux cheveux grisonnants, aux contours amaigris, sur la figure sévère de laquelle deux grands yeux verts mettaient seuls une étrange lumière. En même temps, il restait debout, tout en indiquant d'un geste froidement poli un fauteuil à la visiteuse. Mais dans son émoi, elle ne parut pas s'en apercevoir. Mon cousin, balbutia-t-elle, c'est moi, Anne de Plou Daniel, de Kerlaz. Ah, dit-il avec un sourire distrait, enchanté, ma cousine. Et comment se porte mon cousin de Plou Daniel? Il est mort, voilà bientôt 14 ans, répondit-elle d'une voix à peine distincte. Ne le saviez-vous pas, mon cousin? Ah, pardon, désolé, vraiment. Mais voyez-vous, au milieu de toutes les affaires qui m'accablent, je crois que ma mémoire se perd. Sa mémoire renaissait au contraire. Il se rappelait maintenant le sot mariage de la dernière représentante des Plou Daniel de la branche cadette. Marié lui-même et richement, il se souciait peu de montrer à sa femme cette parente de province qui avait ridiculement épousé une sorte de domestique. Il se demandait tout bas comment il les conduirait poliment. « Et vous êtes venu faire un tour à Paris ?» reprit-il en bourrant de dossiers avec affectation une ample serviette de maroquin brun. « Voyage d'agrément ou voyage d'affaires ?»« En tout cas, bien que mes minutes soient comptées, je suis pour le moment tout à votre service. »« Dites-moi en quoi je puis vous être utile ?»« En rien, mon cousin, » répondit Anne qui se redresse avec un sentiment de fierté blessée. « En rien. Je désire seulement vous voir et vous donner des nouvelles du pays. » « Ah, je vous suis reconnaissant de cette attention, » ajouta-t-il d'un air plus dégagé. « Et tout va bien en Cornouailles ?»« Le manoir résiste toujours vaillamment au vent de mer. »« Les choses sont demeurées là-bas telles que vous les avez vues autrefois, mon cousin. »« Rien n'a changé, » et ajouta-t-elle avec un timide sourire. « Les œillets des Kerlaz fleurissent toujours à la même place, vous savez. »« Les œillets, » répéta-t-il comme quelqu'un qui ne comprend plus. « Ah oui, enchanté, ma cousine. » Il avait mis sa serviette sous son bras et agité un cordon de sonnette. « Pardon, mais je ne m'appartiens pas. Mes devoirs de député, les exigences du Parlement me réclament, et je suis désespéré de vous quitter si tôt. Encore une fois, si je puis vous être utile à quelque chose, disposez de moi. Désirez-vous assister à une séance de la Chambre ?»« Merci, mon cousin, » répliqua-t-elle, saisie d'un froid au cœur. « Je n'en aurai pas le temps. Je compte repartir bientôt. » En vérité, désolé, positivement désolé de ne vous être bon à rien. Joseph, dit-il au solennel valet de chambre, accouru à son coup de sonnette. Joseph, reconduisez madame. Au revoir, cousine, et merci de votre aimable visite. Adieu, murmura-t-elle d'une voix étranglée. Une minute après, Anne de Plou Daniel se retrouvait sous le tapis rouge de l'escalier et regagnait sa voiture, les lèvres tremblantes et les tempes serrées. Quand elle rentra, pâle et les yeux brûlants, chez les Villeneuve, le peintre et sa femme l'attendaient dans l'atelier. « Eh bien, s'écria Villeneuve, voici de retour, tant mieux. Vous avez vu ce fameux cousin? J'espère qu'il ne vous aura pas accaparé pour aujourd'hui. »« Oh non, non, » répondit-elle avec une physionomie navrée. « Bravo. Alors ce soir, nous commençons la petite fête. D'abord, nous renversons la marmite et nous dînons au Lion d'Or, puis je vous conduis aux Français. Voilà le programme. Est-il de votre goût? Merci, répondit-elle. Vous êtes trop bon, mais j'ai l'intention de repartir cette nuit. Cette nuit, répéta-t-il stupéfait. Quelle plaisanterie! À ça et Paris que vous deviez visiter à fond, et les théâtres, les musées, les églises. Ce sera pour une autre fois. L'air de Paris ne m'est pas bon. Je retourne à Kerlaz. Mais, chère madame, c'est insensé. D'abord, nous ne vous laisserons pas partir. Oh, s'écria-t-elle en joignant les mains. N'insistez pas. Je ne peux pas rester, je ne peux pas. Et devant les Villeneuve interdits, la pauvre Anne éclata en sanglots, soulageant enfin son cœur trop plein, et donnant un libre cours à ses larmes qui ne voulaient plus s'arrêter. Le mari et la femme eurent beau combattre sa résolution. Si elle avait la foi naïve des Bretonnes, elle en avait aussi l'entêtement, et le soir même elle reprit l'express de 8 heures. Quand une voiture de louage la déposa le lendemain vers le tantôt à Kerlaz, elle ne prit pas même le temps de se décoiffer, et laissant à la vieille Marianique le soin des bagages, elle s'en alla silencieusement errer à travers les bois du domaine, afin d'y pouvoir pleurer un bon coup avant de se montrer aux gens. Le vent de mer s'était élevé et soupirait à travers les pins une lamentation moins navrante que celle qui montait du fond du cœur de la triste voyageuse. Aux lueurs déjà plus voilées du crépuscule, elle aperçut tout à coup dans une éclaircie les squelettes des 25 pins abattus récemment, et que les charpentiers de Pontcroix n'avaient pas eu le temps d'enlever. Hélas, il y avait en elle un bien autre abattis d'idoles longtemps chères, qui maintenant gisait en morceaux. Elle essuya une dernière larme cuisante, et retournant brusquement sur ses pas, elle rentra à Kerlaz, où elle ensevelit pour toujours ses illusions séchées sur pied, et où les œillets seuls continuèrent à fleurir. Ainsi s'achève Les œillets de Kerlaz par André Theuriet.